1. Vous souhaitez vous initier à l'informatique? Alors téléphonez-moi, car je peux certainement vous donner un coup de main. 2. Bonjour, je m'appelle Odette, j'ai 75 ans et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire la cuisine. Je suis seule et c'est difficile pour moi. 3. Salut, je m'appelle Nicolas. Je suis lycéen et j'ai besoin d'aide pour réviser mes maths avant les examens. 4. Francis, 40 ans, homme à tout faire. Puis-je vous être utile? 5. Moi, c'est Pierre. J'ai acheté une remorque l'autre jour. Je ne m'en sers pas très souvent. Si ça peut vous rendre service, je vous la prête.